Donc, nous avons mis d'aller là sous les sols, nous étions descendus, et nous pêchions, coude à coude, Mélie et moi, juste à côté des deux autres. Ici, monsieur le président, il faut que j'en aille le détail. Il n'y avait pas 5 minutes que nous étions là, quand la ligne de voisins se met à plonger 2 fois, 3 fois. Et puis voilà, qu'il en a mis un de chevesne, gros comme ma cuisse, un peu moins peut-être, mais presque. Moi, le cœur me bat. J'ai une sueur aux tempes. Et Mélie qui me dit, hein, pochard, l'as-tu vu celui-là? Sur ces entrefaites, monsieur Bru, l'épicier de Poissy, un amateur de goujons, lui, passe en barque et me crie, on vous a pris votre endroit, monsieur Renard. Je lui réponds, oui, monsieur Bru, il y a dans ce monde des gens pas délicats, qui ne savent pas les usages. Le petit coutil d'à côté avait l'air de ne pas entendre. Sa femme non plus. Sa grosse femme, un veau, quoi. Le président interrompit une seconde fois. Prenez garde, vous insultez madame Veuve Flamèche ici présente. Renard s'excusa. Pardon, pardon, c'est la pension qui m'emporte. Donc, il s'était pas écoulé un quart d'heure que le petit coutil en prend encore un, de chevesne, et un autre presque au-dessus, et encore un 5 minutes plus tard. Moi, je n'avais les larmes aux yeux. Et puis je sentais madame Renard en ébullition. Elle me lancicotait sans cesse. Ah, misère! Crois-tu que tu te le voles, ton poisson? Crois-tu? Tu ne prendras rien, toi, pas une grenouille, rien de rien, rien. Tiens, j'ai du feu dans la main, rien que d'y penser. Moi, je me disais, attendons midi, il ira déjeuner ce braconnier-là, et je le reprendrai ma place. Vu que moi, monsieur le président, je déjeune sur le lieu tous les dimanches. Nous apportons des provisions dans Dalila. Ah oui, midi sonne. Il avait un poulet dans un journal, le malfaiteur, et pendant qu'il mange, voilà qu'il en prend encore un, de chevesne. Mélie et moi, nous cassions une croûte aussi, comme ça, sur le pouce. Presque rien, le cœur n'y était pas. Alors, pour faire digestion, je prends mon journal. Tous les dimanches, comme ça, je lis le Gil Blas, à l'ombre, au bord de l'eau. C'est le jour de Colombine, vous savez bien. Colombine, qui écrit des articles dans le Gil Blas. J'avais coutume de faire enrager madame Renard en prétendant la connaître, cette Colombine. C'est pas vrai, je la connais pas, je l'ai jamais vue, n'importe, elle écrit bien. Et puis, elle dit des choses rudement d'aplomb pour une femme. Moi, elle me va. Il n'y en a pas beaucoup dans son genre. Voilà donc que je commence à asticoter mon épouse. Mais elle se fâche tout de suite, et raide encore. Donc, je me tais.